Chapitre 4. Personne, au lendemain de cette entrevue, n'eût pu reconnaître le capitaine Saint-Jean dans le grave professeur qui venait présenter sa carte de M. Arthur Lascelles chez Mme Murray. Non seulement ses yeux disparaissaient entièrement sous une paire de lunettes bleues, mais ses cheveux, plaqués sur le front, prêtaient à la physionomie un aspect si paterne et si pédagogique qu'on n'eût jamais pu supposer que celui qui les portait eût fait des steeplechases ou gagné des boxing matches. Les grandes moustaches même semblaient avoir perdu leur tournure militaire et ne servaient qu'à voiler le demi-sourire ironique qui prêtait au regard du capitaine Saint-Jean cet air un peu moqueur qu'il avait rendu si redoutable aux niais. Madame Murray ne le fit pas attendre. Elle fut toute surprise de recevoir la lettre de recommandation que lui remettait Arthur. Son ami Sinclair l'avait presque querellé le soir précédent au sujet de ce malheureux précepteur qu'on ne réussirait jamais à trouver. Et voilà que quelques heures plus tard, il lui envoyait un monsieur qui devait être convenable à tous égards. C'était une chance à laquelle elle avait de la peine à croire. Aussi se dépêcha-t-elle d'aller constater de ses propres yeux ce fait étonnant. On avait fait entrer M. Lascelles, c'est par ce nom qu'il venait de sa mère, qu'il faut l'appeler désormais, dans un joli salon meublé avec goût et tout rempli de fleurs. Mme Murray habitait pendant son séjour à Melbourne, qui n'était jamais de longue durée, un cottage comme il n'y en a tant aux environs de cette ville. Toute la maison ne se compose que d'un rez-de-chaussée, mais contient des chambres d'une largeur et d'une hauteur luxueuses, un magnifique corridor avec des dalles et des soubassements en marbre, des salles de bain, une serre, une véranda où l'on ferait danser un régiment et un jardin rempli de fleurs exotiques. Le cottage de Mme Murray ne rentrait pas dans la catégorie de ses demeures princières, mais il y régnait le goût le plus parfait. Les quelques aquarelles exécutées par une main de maître, les photographies exquises des chefs-d'œuvre d'art en Europe, tout cela faisait voir que la maîtresse du logis recherche le vrai et non l'apparence dans l'art. Arthur remarqua deux livres qu'on avait laissés sur le piano. Tous les deux traitaient de matières religieuses. Pendant qu'il y songeait, en se rappelant ce que lui avait dit son ami Sinclair, la porte s'ouvrit brusquement et Mme Murray entra. Arthur aurait donné tout au monde pour pouvoir se débarrasser de ses lunettes. Il s'était résigné à voir un ciel assombri, une terre en deuil, mais ne regarder qu'à travers une lumière crépusculaire la charmante jeune femme qui apparaissait sur le seuil, voilà ce qui le contraria fort. C'était comme si une fatalité lugubre devait toujours s'interposer entre lui et le rêve de sa jeunesse, car il n'y avait plus à s'y méprendre. Les cheveux, moins blonds que ceux du portrait, avaient l'air pourtant de friser de même tout naturellement. Les yeux bleus et clairs gardaient ce même air impérieux qu'Arthur avait si bien reconnu chez sa petite femme. Les lèvres n'avaient point perdu la couleur rose que relevait si bien le blanc de petites dents humides et luisantes. Seulement la bouche avait acquis un caractère de fermeté qui ôtait quelque chose au charme des traits. Cela trahissait la femme dont l'ambition est de commander plutôt que de séduire. Les gestes accusaient aussi un certain air de domination. Elle avait un port majestueux, et cela sans effort, car sa taille superbe s'y prêtait. Arthur se souvint alors du portrait qu'il s'était fait d'une bonne ménagère aux allures lourdes, à la figure grasse, et la voilà qui se présentait à lui dans tout l'aplomb de sa beauté. Grâce à ses lunettes maudites, tout prenait une teinte sombre pour la vision de M. Lascelles. Il ne pouvait se faire une idée exacte du teint de Mme Murray, qui lui paraissait être cependant d'une fraîcheur extraordinaire pour une femme de son âge. Elle portait une robe noire d'une coupe parfaite, mais on n'y voyait rien qui trahît son état de veuvage. Arthur s'est élevé au moment où elle entrait. Elle lui fit signe de s'asseoir et, se plaçant sur un canapé comme sur un trône, elle alla droit au but. « Vous venez de la part de mon ami, Monsieur Sinclair, » dit-elle gracieusement d'une voix vibrante et sonore. « J'ai à le remercier de sa bonne volonté et de sa promptitude. « Vous êtes de ses amis d'enfance, me dit-il. » C'était la curiosité de la femme qui prenait le dessus. « Je l'ai connu en Angleterre, madame, » répondit Arthur avec un grand sérieux. Il y avait quelque chose dans le timbre de la voix d'Arthur qui inspirait le respect. D'abord, elle avait cette intonation raffinée que l'on ne remarque que chez les gens d'un milieu distingué. Puis, l'habitude qu'il avait eue du commandement pendant tant d'années avait prêté une certaine autorité à sa manière de parler, bien qu'il prît soin de l'adoucir en s'adressant aux femmes. Madame Huret eût voulu le questionner davantage. Elle ne pouvait s'expliquer pourquoi cela lui serait difficile. Elle hésitait, chose à laquelle elle était tellement inaccoutumée qu'elle se sentit rougir. « Enfin, fit-elle, M. Sinclair m'a fait entendre que vous étiez prêt à vous charger de l'éducation de mon fils. Il dit que vous êtes content des conditions que j'offre. » Arthur salua. Cette question de paiement le gênait fort. Il eût désiré qu'on l'eût passé entièrement sous silence. Pourtant, c'était une sottise de sa part, il en convenait lui-même. « C'est mon désir, continua-t-elle, qu'il commence des études qui pourront le rendre apte à entrer plus tard à l'université d'Oxford. Je l'accompagnerai moi-même en Europe un jour. En attendant, je veux qu'il s'applique aux études classiques, aux mathématiques, aux langues. Quant à la morale... » Elle lança un regard qui semblait vouloir percer les lunettes d'Arthur. « Quant à la morale, je m'en charge. Vous-même, monsieur, vous êtes de l'église anglicane, je l'espère. » C'était plutôt une injonction qu'une question qu'elle lui faisait. Il eût été téméraire de s'avouer d'une autre croyance que la sienne. « J'étais élevé dans l'église anglicane, madame, » répondit Arthur, toujours sur le même ton sérieux. Cependant, on eût dit que Madame Murray gardait une sorte de défiance, car elle reprit d'un ton résolu. « Je me chargerai aussi de son instruction religieuse, monsieur, c'est entendu. L'on ne saurait trop fortifier les jeunes âmes, aujourd'hui contre les erreurs du siècle, et je veux qu'il n'ait d'autres certitudes que les miennes touchant les vérités éternelles. » Était-ce bien l'ombre d'un sourire que reflétait la lèvre inférieure du précepteur à ces mots hardis sur les vérités éternelles? Cela ne se saura jamais, car assurément Madame Murray n'eût jamais soupçonné une audace pareille. Cependant, elle était sous une influence qui la dépitait. Elle voulut revenir sur la question de l'église anglicane, et pour la deuxième fois, elle ne put trouver un mot. Elle se mit donc à discuter le côté pratique de l'affaire. Elle fit comprendre à M. Lassalle que c'était dans le courant de la semaine suivante qu'elle l'attendrait sur ses terres. Elle-même devait partir pour le Bush dans 2 ou 3 jours avec son fils. La station ou ferme de Tambourouna, qui lui appartenait depuis la mort de son mari et où elle restait d'ordinaire, était à 200 lieues de Melbourne. On faisait la moitié de la route en chemin de fer, puis on prenait la diligence jusqu'au village le plus proche de la maison. « Et c'est tout près, ce village, » ajouta-t-elle, « car il n'y a que 12 lieues à faire et nos bush roads sont excellentes. J'enverrai le buggy à votre rencontre et je vous saurai gré de vous charger d'apporter tous les livres que vous jugerez nécessaires pour l'instruction de mon fils. On aurait trop de peine à les envoyer chercher plus tard à Melbourne. » Là-dessus, l'entretien se termina. En sortant par le jardin, Arthur vit descendre de son poney le fils de la maison. C'était un jeune garçon dont les yeux bleus et vifs rappelaient ceux de sa mère, mais il avait l'air plutôt timide que résolu.